he was shy. Ghettomania. Manhattan sur Galaxy.

Montagna. Manhattan sur Galaxy. Drug taking has begun.

stairs go back. Go back. secretary and type all day. Fréquence 95-30, merci d'être rivé, scotché, agrippé à ta radio, à l'écoute de cette émission spéciale Ghetto Mania, la dernière de l'année, avec au platine DJ Manhattan et puis GM. Tu les retrouves l'année prochaine en 2008 et GM dès jeudi soir entre 23h et 1h pour un maximum de bonne musique. À bientôt Ghetto Mania.